Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Voici Histoire vivante et les vies multiples de Charlie Chaplin. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Our guest tonight is Charles Chaplin. Cette semaine, des vies multiples. D'une migration à l'autre, Charlot, l'éternel vagabond. Looks like the sun. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. J'avais hâte de voir en studio. Aux États-Unis, tout le monde est pressé. Et comme par magie, je l'obtins. Charlie était considéré comme un mauvais citoyen parce que Charlie Chaplin a toujours refusé de demander la nationalité américaine. Il disait « Je suis un citoyen du monde ». Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer. On se retrouve, Pierre Smolik, pour la suite de l'entretien que nous avons entamé hier autour de Chaplin après Charlot, ouvrage paru il y a combien de temps d'ailleurs cet ouvrage? Il y a une vingtaine d'années, oui, à peu près. On en trouve encore des exemplaires, c'est toujours aux éditions Champion, qui fait partie de Slatkin, qui est une édition genevoise, comme tout le monde sait. Alors, Chaplin après Charlot, ce sont les années, c'est 25 ans, c'est un quart de siècle, de 1952 à 1977. On parlait hier du contexte de l'arrivée, le contexte évidemment politique, mais on va pas parler que de politique. Après tout, la politique gâche souvent les choses. On va du coup s'intéresser beaucoup plus à la dimension aujourd'hui artistique. Et c'est vrai, on l'a un tout petit peu évoqué hier, on va revenir dessus. Contrairement à ce que l'on pense, contrairement à ce que l'on sait, cette activité, ces activités de Chaplin sont très importantes dans bien des domaines. On va essayer de les serrer aujourd'hui, la dimension d'écriture, le retravail sur les films, et puis aussi cet aspect, moi, qui continue de m'étonner, c'est la part qu'il, très importante qu'il accorde à la musique. Alors, par quoi voulez-vous commencer, Pierre Smolik? Comme on veut. Comme vous le souhaitez. C'est alors, commençons par la musique. C'est difficile avec Chaplin parce que pour définir Chaplin, il faut prendre l'image d'un diamant. Ça scintille de partout, alors on peut tenter d'aller dans tous les sens. Alors, l'écriture. Commençons par l'écriture, si vous le voulez bien. Vous nous le disiez hier, il a dû partir quand même un peu précipitamment, donc il a dans les bagages que ce qu'il peut. Du coup, il va dépêcher un de ses assistants, c'est bien ça? Oui, Dr. Ho, le caméraman. Le caméraman, oui. Et il va lui dire, va donc dans le deuxième tiroir, le troisième salon à gauche, regarde aussi derrière la colonne, voilà. Récupère les papiers et ramène ça ici. Qu'est-ce qu'il a mis de côté déjà, Chaplin? Des projets pour l'avenir? Alors, des projets écrits, des scénarios, des synopsis. Des bouts d'idées. Tout ça qu'on retrouve aux archives actuellement à Montreux, on a de la chance de les avoir, les vrais, les originaux. Qu'est-ce qu'on décèle de sa manière à lui de travailler, Chaplin? Comment il travaille sur le papier? Son écriture n'est pas toujours facile à saisir parce qu'il est envahi par toutes sortes d'idées. Il arrivait et il prenait des petits papiers comme ça pour être sûr que cette idée ne va pas disparaître. Dans la mémoire. Et il griffonne. Il griffonne, oui. Il dessine? Pas tellement. Non. Il écrit plutôt? Il écrit plutôt, d'une manière un petit peu désordonnée. Mais cette façon désordonnée, est-ce que vous diriez que c'est des bouts de phrases, des mots qui contiennent une idée Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des gestes. C'est-à-dire que vis-à-vis de la secrétaire, il imite déjà, enfin, il joue déjà la scène. C'est ça. Et en jouant la scène, il dit à sa secrétaire, mais notez. Donc il faut qu'elle note, qu'elle transcrive par écrit ce qu'il joue. Mais ça me fait penser à Hergé qui faisait prendre à Jacobs ou à un de ses assistants la pause. Et c'est parce qu'il y avait la pause que là, l'inspiration, enfin évidemment le dessin pouvait venir, mais également sans doute l'inspiration. Faut incarner pour que ça existe. Alors il y a l'image, si vous voulez, mais pas dessiner, mais jouer en fait. Autre chose que l'on imagine, mais vous le confirmerez ou l'infirmerez, Pierre Smolik, c'est... dans cette dimension extrêmement éclectique sur les genres et puis également sur les contenus, parce qu'après tout, il écrit, joue, compose, etc., etc. Travaille-t-il sur plusieurs scénarios en même temps et en parallèle? Question intéressante. Il lui arrivait des idées de films qu'il pouvait après développer. Il avait tendance quand même à être toujours accueillant pour ce type d'idées, d'improvisation. Mais on voit bien qu'il y a quand même des époques. Quand il vient en Suisse, en 53, il est très vite sur le projet de l'histoire du roi New York, par exemple. Donc, petit à petit, il voit que ce sera ce film-là qui va tourner. Puis, quelquefois, il hésite. Par exemple, la comtesse d'Hong Kong, elle aurait pu intervenir après The Freak, ce qui aurait été peut-être mieux pour nous. Mais il a hésité, enfin. Donc, c'est pas toujours monolithique comme ça, mais quand même, d'une certaine manière, l'âge avançant aussi, il allait au fond des choses par rapport à des projets. Puis il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que par rapport à Hollywood, il travaillait maintenant à Londres pour des tournages, donc notamment du roi New York et la comtesse de Hong Kong, où là, vous êtes avec un environnement qui est complètement différent de celui du studio où il travaillait à Hollywood. Vous avez un milieu syndiqué. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Il faut bien programmer les séquences. Autrement, ça coûte cher, etc. Alors qu'aux États-Unis, il avait une liberté, relative, mais quand même, acquise à la sueur de son front, mais réelle. Oui, quelqu'un de réel, oui. Alors, il décède en 1977. On peut considérer que il y a, dans cette période-là, dans ces 20 ans-là, tout de même, en Europe, un cinéma qui compte. Est-ce que Chaplin s'avère être quelqu'un qui s'intéresse aux autres, quelqu'un qui s'intéresse au cinéma des autres, quelqu'un qui s'intéresse au cinéma européen? Est-ce que vous avez des informations là-dessus, Pierre Smolik? Alors ça, c'est un petit peu une zone d'ombre. Il est arrivé à un tel sommet. Et quand vous arrivez à un sommet, vous êtes seul. Oui, là, il n'y a pas beaucoup de monde, là, tout là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? Moi, j'ai un cinéaste que j'aime beaucoup, c'est Jacques Tati. Ça m'aurait plu d'entendre dire qu'il y avait une rencontre, une fois, entre Tati et Chaplin. Ben non, il y a eu des tentatives, mais ça l'intéressait pas, à vrai dire. Mais pas seulement rencontres, mais moi, je dirais d'aller voir les films. Est-ce que... Alors, voir des films, il en a vu quelques-uns, notamment pour The Freak, 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, parce que c'était un film The Freak qui appliquait un certain nombre d'éléments techniques assez perfectionnés pour faire voler un oiseau avec des trucages de films, ce qu'il n'avait pas tellement l'habitude de faire. Et là, il était voir Kubrick, par exemple. Ils ont discuté, ça s'est très bien passé, c'était à Londres. Mais c'était par rapport à son film. Mais c'est pas un cinéphile, en fond. C'est pas un cinéphile. Ouais, il avait la télévision à un certain moment. Il a vu quelques films. Il a vu Les Clones de Fellini, par exemple. Mais c'est aussi parce que Victoria, il joue avec son mari. Donc, il y a des choses comme ça. Mais non, c'est pas un cinéphile. Mais alors, il faut quand même lui rendre justice. C'est que si vous lisez son autobiographie, il y a un cinéaste où il est très reconnaissant et qui a joué un rôle. C'était Max Linder. Le français. Le français. Le Frenchie. Il le dit. Carrément, ouais. Alors, Il y a Buster Keaton qui le fait jouer dans Limelight. Il y a quand même des petites choses comme ça. Mais c'est pas une attitude de cinéphile. Non. Alors, on a parlé d'écriture. Maintenant, on va parler film. Qu'est-ce qu'il fait sur les films? Il y a les films qu'il reprend en main, qu'il va retravailler, et puis il y a du tournage. Juste avant que vous nous répondiez là-dessus, Pierre Smolik, qu'on ait ça en tête, moi je ne l'ai pas immédiatement comme ça, le dernier, Charlot, il est de quelle année? Il faut déjà s'entendre sur Charlot. J'attends vos précisions. Mais je dirais que le dernier vrai Charlot, pour moi, c'est toujours un peu le dictateur, dans le fond. Parce qu'après, avec Monsieur Verdoux... Non, c'est plus Charlot. C'est beaucoup moins Charlot, oui. Donc, même s'il y a quelques... et le dictateur, c'est quelle année? Alors, c'est 39-40, le tournage. Et donc, nous, on a dû attendre 5 ans pendant la guerre pour le voir en 45. Ouais. Voilà. Il part en 52, ça veut dire que Charlot, dans tous les sens du terme, est définitivement derrière lui. D'ailleurs, une caméra de lui, enfin, quelqu'un lui posera la question dans un documentaire, alors que Chaplin est déjà en Suisse. Comment vous regardez Charlot? Qu'est-ce que... Oui. Et il en parle comme quelqu'un, oui, qui est autre part, qui est loin, qui est plus là. On peut comprendre la confusion dont vous nous parliez hier. Comment il existe, Charlot? Comment ça, il vit? Oui, moi, je l'ai perçu comme quelqu'un qui n'a pas d'âge, qui ne pouvait pas vieillir. Et qui était dans la pellicule. Mais qui était dans la pellicule, oui. C'est absolument ça. C'est pour ça que le titre de mon ouvrage, c'est Chaplin après Charlot, parce que quand il vient en Suisse et en Europe, il y a déjà Limelight aussi. Et ben, c'est quand même Monsieur Chaplin qui prédomine quand même. Même s'il y a des petits bouts de Charlot, on le voit dans la dernière scène, dans une scène, pardon, de la comtesse de Hong Kong, où il joue, il s'est réservé le rôle d'un garçon d'étage sur un paquebot, et puis qui est un petit peu sous. Et c'est drôle parce que ça nous fait revoir ses tout premiers films d'apprentissage à Hollywood, où il jouait le rôle de quelqu'un qui était un petit peu sous. Et quand on sait l'importance qu'a eu malheureusement dans sa vie par rapport à sa famille l'abus d'alcool, on peut le comprendre. Alors, que fait-il avec ses courts et moyens métrages? Il les réédite, c'est-à-dire? Oui, quand on dit qu'il réédite, c'est souvent pour dire que on met une composition musicale qu'elle n'avait pas, puisque c'était l'époque du muet, ces films-là. Et donc, oui, c'est ça que j'allais dire. Il y avait un orchestre qui jouait comme ça, et Chaplin donnait aussi des conseils pour l'utilisation de certaines partitions musicales, mais c'était pas écrite par lui. Alors, quand il est venu en Suisse, il a eu tout le loisir de reprendre bien des films, et ça représente des centaines de compositions, d'essais, etc., qu'il travaillait sur son piano au manoir de Ban. Avec les images? Avec les images pas projetées? Avec les images. Non. Pas dans un premier temps. C'est-à-dire que il savait pas les notes de musique. Alors, c'est ce que j'allais vous demander, parce que quand on est élevé comme il a été élevé, on a du mal à imaginer qu'il y ait du conservatoire. Ça, il savait, mais oui. Voilà, mais il savait donner une. Il savait compter jusqu'à 3. Voilà, une tonalité, et puis son arrangeur était là, et prenait des notes. Et il sentait ce qu'il voulait. Et beaucoup de ses musiques aussi étaient inspirées, il ne s'en cachait pas, d'air qu'il avait entendu quand il était petit. Mais il les a retravaillés, replacés dans un contexte qui fait que ces morceaux deviennent vraiment des légendes, quoi, je dirais. Il n'a jamais travaillé avec un compositeur. J'entends, non. Il n'a jamais fait appel à un compositeur. Alors, après, ben, il fallait donc écrire quand même la partition à partir de ses idées. Ce qui se passait, c'est que souvent, il louait une salle de cinéma à Vevey. On projetait le film. Et puis là, il vérifiait un petit peu ses premières idées musicales en tapant notamment, il y a cette image dont on m'a parlé souvent, avec une petite cuillère sur la balustrade où il se trouvait. Il dans tapait la le salle rythme. Il tapait le rythme pour montrer certains accents qu'il voulait à certaines parties du film et d'autres. Il y avait toujours l'arrangeur. Donc là, il y avait déjà il affinait quand même ses premières idées avec les images qu'il revoyait. Et puis alors après, ben, il y avait une composition, et puis là, ben, il faisait évidemment appel à quelqu'un qui pouvait étoffer la musique, et il allait l'enregistrer à Londres. Et là, il y avait un vrai orchestre qui jouait avec les images qui étaient projeté. Est-ce qu'il s'est exprimé sur ce désir de la maîtrise de A à Z de ces édifices? En étant à la fois producteur, acteur, ouais, compositeur et tout. C'est toujours s'il n'a pas tricoté les lacets de ses chaussures. Enfin, il y est de A à Z. Je ne crois pas qu'il sait. Je n'ai pas de texte en en tête qui condense un petit peu. C'était pas un grand penseur, hein, Chaplin. Moi, je pense simplement que oui, il voulait tout maîtriser parce que. Est-ce qu'il était radin? Un petit peu quand même, ouais. Pas sa femme. Est-ce que c'est pas l'une des clés? Peut-être, oui. La peur de manquer. La peur de manquer. Ouais. Mais vous l'exaucez à tout bout de champ. Oui, je veux quand même pas faire une. Aucune cruauté sur Charlie Chaplin. Si, mais. Ne soyez pas strictement hagiographique, Pierre Smolny. Ouais. Soyez un peu dur avec votre client. Oui. Oui, bon. Pour moi, c'est un petit peu difficile de répondre d'une manière quand même sans nuance, parce que quand même, beaucoup de Chaplin a fait beaucoup de dons quand même pour un certain nombre d'œuvres de la région. Et on a des traces. Il donnait, par exemple, régulièrement une certaine somme qui était quand même assez importante pour l'époque, 30 000 francs, je sais pas, en 56, 57, à la commune où il habitait, et en disant, débrouillez-vous, je vous donne ça, et puis vous partagez pour les familles qui sont démunies, par exemple. Ça, il l'a fait plusieurs fois. Alors peut-être un petit peu parce que sa femme, Una, l'inciter à le faire, c'est possible, mais quand même, c'est pas tout le monde ne fait pas ce genre de choses. Alors c'est un bosseur, vous nous le disiez hier, Pierre Smolny, que c'est probablement seulement peu de temps avant sa disparition sur laquelle il faut revenir d'un mot, enfin, s'appeler Chaplin et disparaître dans son sommeil à quelle date? La nuit de Noël. faut quand même le faire, faut être bien, bien entouré, disons. Et seul en plus. Et seul. Un peu comme dans l'image de la Rouée vers l'or, où on voit Chaplin qui a tout préparé un repas, il attend ses dames, et puis il n'y a personne. Alors il se retrouve tout seul avec ce repas qui est là. Parce que tous ses enfants, petits-enfants, ce jour-là, étaient au salon, ils ouvraient les paquets et tout, puis lui, il était tendu sur son lit, 4h du matin. Eh ben, il a eu son dernier soupir, et c'est à ce moment-là que son chat Othello est venu et s'est installé sur son ventre. Enfin, vous n'étiez pas présent dans la chambre. Non, mais c'est comme si j'étais... Non, mais parce qu'il faisait jamais ça, ce chat. Ah. Et là, c'est quand même curieux, quoi, qu'un chat tout à coup fasse une chose qu'il a jamais faite, quoi. Ouais. Non, je ne crois pas que c'était inventé. Donc c'est quelqu'un qui travaille énormément. Alors oui, sauf qu'il faut quand même dire une chose, c'est que, bon, l'âge avance hein, quand même, le rythme n'est plus tout à fait le même qu'à Hollywood, mais il se maintient en forme, il a une piscine, il fait du tennis, etc. Il fait des voyages, il s'occupe des enfants à certains moments de la journée. Donc, il a un rythme de travail qui est soutenu par aussi d'autres activités. Et puis, il se met au travail pas à 7 heures du matin, j'entends. C'est aussi le rythme un petit peu anglais. Il travaille, on fait un bon breakfast, on lit les dernières nouvelles, les journaux, et puis on se met au travail à partir de 10h à peu près, 10h, et puis on arrête pour un petit lunch à midi, et on se remet après 1h, et à 5h c'est fini. Ce qui est assez surprenant pour revenir à la multitude des contacts, et notamment de la part des personnalités politiques, je repense notamment à la rencontre qui a lieu en Suisse avec Nehru. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est plutôt les politiques qui ont envie de rencontrer oui. Chaplin oui. que l'inverse? Oui, je pense que c'est là. Et qu'est-ce que c'est que cette envie-là, selon vous? Ah ben, c'est de pouvoir découvrir le génie des génies, quelqu'un qui vous dépasse, qui sera connu comme Shakespeare est connu, sera connu encore dans quelques siècles, je veux dire. Il y en a une qui est intéressante, c'est celle de Chaplin et Gandhi. Parce que là, oui. Il y a deux mythes quand même qui sont... Là. Alors là, disons que peut-être, là, cette rencontre a eu lieu quand il a fait cette tournée mondiale, il en a fait plusieurs, et là, presque naturellement, comme Gandhi était à Londres, et je sais pas, lui-même voulait aussi le connaître, ouais. Je veux dire, ça, c'était assez partagé. Mais Nehru, non. Nehru veut voir Chaplin. Oui. Khrouchtchev, peut-être c'est Chaplin qui voulait le faire. Enfin, il y avait une occasion, puisqu'il était justement à Londres, et puis Khrouchtchev était là. Ça l'intéressait de voir comment pouvait être le président d'un grand pays comme celui-là. Et il l'a trouvé même assez sympathique, semble-t-il, d'après ce qu'il écrit dans son autobiographie. Bon, il cherche pas à collectionner les hommes politiques, mais ça vient un peu tout naturellement, je dirais. Et puis, il a l'art et la manière du jujitsu. Si l'on se réfère à ce qu'écrit Jean Cot d'une rencontre entre Picasso, Jean-Paul Sartre, qui va rapidement comprendre que c'est pas la peine d'essayer de concurrencer ces deux-là, et donc Chaplin. Picasso qui, racontez donc, qui en fait 3-4 tonnes pour commencer, qui essaie de marquer le territoire. Tout à fait. Alors, c'est arrivé, je crois, quand il est venu en Europe en 52. Il était à Paris, toujours pour la projection de Limelight. Et puis, il était amené à rencontrer quelqu'un, probablement un intellectuel français, mais je ne pourrais pas trop vous dire, je ne me rappelle plus exactement qui, avait arrangé cette rencontre au sommet, au Quartier Latin, avec Picasso, Sartre, et puis il y avait encore un troisième, je crois. Et là, d'après ceux qui ont assisté, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont assisté à cette rencontre, à un moment donné, les échanges entre ces messieurs se sont transformés un petit peu entre bataille, enfin... En joute verbale et gestuelle. Alors, est-ce que c'était voulu vraiment Peut-être que oui, finalement, parce que quand vous êtes... Picasso, il était aussi seul dans son génie. Oui, mais C'était peut-être une manière de comparer leur propre génie. Il y avait peut-être quand même un peu d'ego là-dedans. Ce sont des cannibales qui se rencontrent. Un cannibale rencontre un autre. Oui. Et qui gagne la partie? Alors, c'est Chaplin. Ouais. Mais c'est... de quelle manière? Alors attendez, là vous me posez une colle parce que... Je vais vous la raconter. Ouais. Picasso au roule des yeux, il raconte avec force voix, et en retrait, Chaplin est légèrement appuyé sur une cheminée, et puis il écoute, il laisse passer un peu la première vague, il laisse passer l'orage, il attend calmement, et au moment où il veut raconter quelque chose, plutôt que de le raconter, il va se mettre à le mimer. Ouais. Et il désarçonne pleinement... on peut imaginer dans un petit coin l'œil de côté Jean-Paul Sartre qui est en train de tirer sur sa pipe probablement en se marrant autant que intérieurement que possible, de voir Picasso désarçonné et Chaplin qui l'air de rien mine de rien met tout le monde dans sa poche avec grâce. Oui, et là on voit que c'est aussi un homme de théâtre. Faut pas oublier qu'il a commencé avec le music hall. Il savait qu'à certains moments, il fallait laisser peut-être des personnes chauffer la salle et puis intervenir progressivement. C'est ce qu'il a fait. Ça me rappelle cette scène où il avait demandé à Peter Ustinov de venir avec lui à Amsterdam où il recevait un prix de la reine de Hollande. Et puis Peter Ustinov qui m'a raconté cette histoire. Je disais, mais pourquoi il m'invite? Je veux dire, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Puis comme c'est un personnage haut en couleur, très drôle et tout, Chaplin a insisté en disant, non, j'aimerais vraiment que tu sois avec moi, etc. Parce qu'il habite aussi la Suisse, hein, Ustinov. Et il se retrouve sur une grande scène et c'était prévu que Ustinov présente Chaplin, ce qu'il a fait d'une manière tout à fait élégante, comme on peut l'imaginer. Smoking et ne pape. Voilà. Et puis petit à petit, le public commençait à rire et Ustinov ne savait pas trop pourquoi. Mais c'est simplement parce que, ça rappelle votre la scène avec Picasso, il est apparu en fond de scène et puis il commençait à l'imiter. Et il a pris le dessus. Et là, Ustinov m'a dit, ben oui, il voulait que je sois là pour que je chauffe la salle. Oui, et puis, ça dit, c'est quelque chose qui est un peu la revanche du muet. Le geste aussi est plus fort que la parole. Oui. Hein? Alors ça, pour moi, c'est évident que s'il fallait faire une hiérarchie, disons, des qualités, c'est le geste. C'est le geste. Universel. Oui. Et un jour, j'avais rencontré Béjart, justement pour ce livre, je m'étais dit, ça peut être intéressant de lui poser la question, surtout qu'il travaille encore à Lausanne. Et puis il m'a dit, mais vous savez, Chaplin est le plus grand danseur de tous les temps. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Puis il me dit, mais prenez la scène du boxeur, parce qu'il a joué plusieurs fois des scènes de boxeur, c'est une chorégraphie extraordinaire. On peut pas, enfin, ouais, là on atteint des hauteurs absolument extraordinaire. Prenez Jerry Lewis, c'est aussi un gestuel, mais c'est pas aussi improvisé, c'est pas. Puis c'est un danseur, alors aussi de salon extraordinaire. C'est un séducteur né quand il invite une dame et l'invite un tango. Je peux vous dire que rare était celle qui pouvait pas tomber dans ses bras dans ces moments-là. C'était inouï. Un génie totalement intuitif d'1m63. Oui, comme Sarkozy. Oui, alors là, la comparaison, on va dire, s'arrêtera là. Pierre, merci Pierre Smolik d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Non, d'ailleurs, je ne vais pas le rappeler, je vais vous laisser le rappeler, vous. Après tout, vous êtes l'auteur. Chaplin après Charlot. Et c'est paru chez... C'est paru aux éditions Champion. Et c'est préfacé par... Par un certain Fellini, ça c'était un moment extraordinaire pour moi. Pas dit parce que quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, mais ce serait pas mal d'avoir une préface. Et après, je me suis dit, mais ce serait encore mieux si c'était un cinéaste. Alors j'ai pensé à trois noms. J'ai pensé à Bergman, parce que Bergman l'avait accompagné quand il y a eu la promotion de l'autobiographie dans les pays scandinaves. Puis je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir. C'est quelqu'un de tellement différent de Chaplin. J'ai écrit, je n'ai pas reçu de réponse. Bon, j'ai pensé quand même à Woody Allen, mais je me suis dit, bon, j'étais un peu embêté, parce que je voulais un personnage un peu comique et tout, et puis Woody Allen adore Chaplin, bon. Ouais. Ça n'a pas été, et après, je me suis lancé dans Fellini, et j'ai écrit aux éditions Diogenes à Zurich, qui édite les dessins de Fellini. Et trois mois, en leur demandant de... Parce que je n'avais pas l'adresse de Fellini. De transmettre ma lettre à Fellini. Et trois mois après, j'ai reçu une réponse positive du maestro. Alors, vous pouvez imaginer que, comme j'étais content. Malheureusement, je n'ai pas pu lui donner le livre parce qu'il est mort entre-temps, malheureusement. Merci à vous. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.